Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La nuit tombe très vite dans la jungle. À 17h, c'est la nuit complète. La jungle, c'est la maison. Dans la journée, la jungle est bombardée, mitraillée. Le soir, on peut parler de la guerre militaire, la guerre politique. Journaliste, correspondante de guerre, Madeleine Riffaut, Titam, la huitième sœur, n'était pas restée qu'au nord du Vietnam. Elle avait également effectué un périple dans le sud et rendu compte aux lecteurs français. Chaque photo, chaque poème, chaque ligne, chaque film, c'est une balle dans la gueule des agresseurs. C'est nos minutions à nous. Entre la liane tressée et la preuve, septième volet de la série Madeleine Riffaut, La mémoire sauve, par Ludovic Cellier, réalisation Marie-Christine Clauset, première diffusion sur France Culture le 10 août 1993. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve. Au milieu de la jungle, au cœur du dispositif des maquis Vietcong, Madeleine Riffaut poursuit sa tâche. Informer, dénoncer, ne rien laisser passer. Au milieu de la jungle, toujours accompagnée du journaliste australien Wilfred Burchett, Madeleine Riffaut prend les armes de la douleur et découvre que le Vietnam s'offre à elle comme une seconde famille. Fascinée, bouleversée, engagée, Madeleine Riffaut devient pleinement Titam, la huitième sœur. Au milieu de la jungle, au printemps de 1965, Madeleine Riffaut a 40 ans. Les Vietnamiens, quant à eux, avaient très bien analysé la sorte de guerre qui leur était faite. Si bien que à la guerre néocoloniale, à la guerre spéciale, politico-militaire, ils avaient répondu par une guerre politico-militaire. Et la guerre politique, c'était les femmes qui la menaient. J'ai été quelque temps dans les rangs de cette armée au Chignon. Et je peux vous dire que aucune armée au monde ne marchait comme celle-là. Dans aucun pays du monde où mes voyages m'ont amené à aller, je n'ai vu une telle chose, une telle conscience politique, une telle habileté et un tel courage. Enfin, exemple. Un bombardement a lieu sur le tel endroit. Bon. Immédiatement, les femmes de l'armée au Chignon, hein, qui sont des ménagères, qui ne sont pas en caserne, elles sont dans leur foyer. Elles sont organisées de telle manière qu'au son d'un gong, elles vont se rassembler dans un lieu choisi et tout à coup, par centaines, par milliers, elles vont déferler pour protester, les vieilles devant, avec les femmes qui tiennent dans les bras un bébé, pour protester contre les autorités du district, portant leur mort pour protester contre les bombardements et faire craquer les unités pro-américaines. Par exemple, une unité, un débarquement de soldats a lieu dans tel endroit. Tout à coup, les paysans, les femmes donc, puisque les hommes n'étaient pas là, éprouvent le besoin de sortir leurs chariots, de sortir leurs buffles, de sortir tous les véhicules possibles et de venir, comme pour un marché immense, bloquer toutes les routes et voies de communication, empêtrant tout, empêchant les tanks d'avancer. Tout ça sans qu'un coup de feu soit tiré. Et même s'il fallait qu'ils soient tirés, elles étaient là pour recevoir les balles, elles le savaient. Je me souviens des minorités khmer qui étaient dans la province où j'étais à un moment, qui participaient à cette lutte-là. Elles s'habillaient de rouge. J'ai dit, pourquoi vous habillez de rouge? Elles disaient, c'est pour exprimer qu'on peut aller jusqu'au sang versé. Bon, c'est extraordinaire. Et alors, le côté, enfin, pittoresque, quoi. Et je lis à la fois, il n'y avait pas une seule nuit à cette époque au Sud-Vietnam sans que des jeunes filles à la belle voix ne viennent en rampant dans les herbes à tigres et entre les barbelés faire déserter les soldats en chantant. Alors, elles chantaient et donnaient des nouvelles en chantant sur l'air du Sans Panier, par exemple, des airs connus. Elles chantaient « Soldats Truong !» originaire de tel village, pendant que tu es là au service américain, ton village a été bombardé et un tel était tué. Ben, qu'est-ce que tu fais à être avec ces gens-là? Viens chez nous. Bon, soldat un tel, ta fiancée va bien, elle est avec nous. Elle te fait dire que tu peux venir pour te marier parce que la terre est distribuée de nouveau et on t'a gardé ta part de terre. On ne t'en veut pas du tout, hein. On t'attend, tout ça. Et puis, au début, alors, les officiers, ils font tirer, quoi. Puis, j'avais une jeune fille, Minha, elle chantait très bien. Puis alors, l'officier, il dit à ses soldats, « Oh, si c'est mademoiselle Minha qui chante ce soir, ne tirez pas parce que j'aime beaucoup sa voix. » Enfin, c'était une lutte. Ce sont les femmes du Sud-Vietnam. Oui, c'était les femmes du Sud-Vietnam. C'était extraordinaire. Et elles ont subi des souffrances atroces. Elles ont fait des années de prison. Elles ont été soumises à toutes les tortures. Si bien que quand j'étais avec elles, j'étais guérie. Il y avait parmi les femmes les plus âgées, il y avait des femmes qui avaient fait une association qui s'appelait les mères de combattants. Et chaque fois que j'arrivais dans un village, par exemple, moi avec l'unité, on était la Hélène, quand on passait dans un village, ces femmes nous apportaient des ananas, des fruits, tout ça. Et elles venaient nous embrasser. Puis moi, elles m'amenaient devant l'hôtel des ancêtres. Et elles me caressaient les genoux en me disant, « Oh, ma fille, comme tu dois être fatiguée. Tu es venue de si loin pour nous voir. » Et elles m'embrassaient. Et pour elles, il n'était pas pensable que je sois venue autrement que après un long voyage en sampant un moteur ou à pied. Elle n'avait pas l'idée que j'avais pris l'avion, tout ça. Alors nous repartions du village gonflés à bloc par cet amour qui nous était donné et tout à coup nous découvrions que l'aventure que nous étions venus chercher là dépassait de très loin le journalisme, que nous étions aimés. Thank you. nous étions absolument à la merci des villageois, des zones libérées, donc bombardées. C'est-à-dire, nous allions à pied ou à vélo avec dans des sacs de toile, des sacs de farine, quoi, nos caméras, autres matériels. Et comme les guérilleros, nous avions reçu à l'arrivée notre équipement qui est le suivant. Nous avions un pyjama de toile noire qui, à l'image de ceux que portent les paysans du Sud, et un foulard qui est aussi obligé, noir et blanc, cotonnade, noir et blanc, pour donner des signaux, pour faire un tas de choses, et aussi pour se garer justement des termites et des bestioles. Et c'était aussi pour nous camoufler, parce que dans certains... Bon, c'est vrai, Radio Libération avait dit sur les ondes que nous étions là et qu'elle nous confiait au peuple. Mais il était tout de même bon que nous ressemblions le plus possible à la population du Sud-Vietnam. Parce qu'il y a toujours des mouchards, ça c'est une chose. Mais c'est pourquoi une région signalait que j'allais arriver, on signalait par les téléphones de campagne que la 8e sœur allait arriver, ce qui est une façon courante de parler de quelqu'un au Vietnam où il y a beaucoup d'enfants, au Vietnam Sud. Alors moi j'étais la 8e sœur, bon, c'est-à-dire la plus petite, celle qu'on aime le mieux, donc j'étais la 8e. Et puis... Donc nous avions notre matériel, mais en dehors de ça, on avait une gourde à la ceinture, de fabrication américaine d'ailleurs récupérée, qui contenait de l'eau bouillie, car la prophylaxie la plus stricte régnait au maquis, à cause des maladies, et c'est toujours de l'eau bouillie. Et puis nous avions une petite lampe à pétrole, faite d'une vieille bouteille d'alcool de menthe. La marque Rickless, publicité non payée, était la plus prisée à bon maquis, car elle était fort commode et vidée de son contenu par les revendeurs de Saigon. Elle était remplie d'huile de coco, pour l'huile de coco dont les femmes se servent pour se lisser les cheveux. Ainsi, les revendeurs de Saigon pouvaient-ils dire aux sbires, s'ils étaient pris à fabriquer ces lampes, qu'ils vendaient des parfums, tout simplement. Mais arrivés au maquis, les flacons étaient vidés de leur graisse parfumée qui servait à graisser les armes. Et on y mettait du pétrole et on faisait une mèche à base de coton et de douille de cartouches, enfin avec une fermeture hermétique en duralumin qui provenait d'hélicoptères abattus ou autre chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de métal. Et c'était très, très précieux, ça, parce que nous nous dirigeons uniquement avec ces lampes. La nuit tombe très vite en jungle. Dès 4 heures, c'était pas possible de prendre une photo, absolument impossible. Et à 5 heures, c'était la nuit complète déjà. Alors on avait les lampes, il y avait une plante qui était connue pour plante de la forêt, mais je prononce très mal le nom. Moi, je dis Trang Quang, mais c'est certainement, si un Vietnamien entend ça, il va dire que je débloque. Nous avions une feuille de cette plante qui ressemblait un peu aux feuilles de laurier. Et vous savez que ce sont des feuilles qui réfléchissent la lumière, quoi. Ce sont des feuilles brillantes. Et les feuilles de cet arbre étaient également ne brûlaient pas, quoi. On en recouvrait les paillotes pour éviter les incendies en cas de napalm. Et on se servait de ça comme réflecteur. Alors chacun tenait sa petite lampe pour étudier. On étudiait beaucoup à l'armée, on lisait des poèmes, c'est la chose. Et puis pour avancer, notre petite lampe là, on avait la gourde, la petite lampe, la boule de riz, pour si jamais on se perdait, on avait notre ration, au moins on pouvait manger. Et puis le hamac, qui était roulé en boule, et qui provenait en général de nylon, de parachutage américain, et qui contenait une moustiquaire. Ce qui était un immense progrès sur la résistance précédente, celle du temps des Bien Phu, bon, où les combattants n'avaient même pas de moustiquaires. Nous marchions ainsi très légers et très riches à la fois, parce que, je vous assure, on peut très bien vivre heureux en ayant tout son avoir comme ça à la ceinture, pourvu qu'on ait le sens de l'équipe, qu'on ait donné un sens à sa vie. Ça, l'essentiel. Mais vous saviez où vous alliez ? On allait, on voulait voir, nous voulions filmer la vie dans les zones occupées et nous voulions rencontrer les dirigeants du front que nous avons rencontrés et nous voulions aller, si possible, et nous y sommes allés, dans les faubourgs de Saïgon. Nous voulions voir si c'était vrai que les Sud-Vietnamiens, le Viet Cong, enfin le front, si c'était vrai d'abord qu'il y avait tous ces gens qu'on nous avait dit, que nous avons rencontrés, le curé, l'avocat, tout ça. Bon, et nous sommes restés plus de 2 mois à filmer. Alors il y avait une imprimerie, il y avait un journal qui sortait clandestinement, il y avait une imprimerie dans la jungle, c'est pas évident, parce que ceux qui avaient porté les rotatives et Radio Libération qui émettait, non pas de Londres, hein, mais comme Londres, hein, les Français parlent tout français, là les Vietnamiens parlent tout vietnamien. Du Vietnam. Et il y avait un générateur qui pesait une tonne. On m'a raconté avec des éclats de rire incroyables, comme une bonne blague, comment ça avait été transporté depuis Saïgon, porté à Do Dam, et comment ça avait fait chavirer la barque, et qu'il avait fallu mettre dans le coup les paysans du coin pour. Enfin bon, c'était. Pour récupérer le régénérateur. Oui, mais tout ça était. Et le papier, on ne fabriquait pas le papier dans la jungle, il fallait le porter depuis Saïgon, depuis les zones occupées. Et tout cela, vous l'avez vu? Oui, nous l'avons vu, nous l'avons filmé, nous avons vu aussi l'école de médecine du front, enfin qui formait de jeunes chirurgiens, ils formaient des assistants médicaux qui apprenaient à se servir de médicaments souvent à base de plantes. Moi, j'oublie de dire, j'avais à ma ceinture une espèce de pastille que je devais absorber immédiatement si un serpent me piquait. Mais qui étaient les piqûres de serpents, m'ont dit les Vietnamiens à cette époque, ne sont plus un problème pour nous. Parce que, alors, Nye a été très occupé, mon vieux camarade frère, là, très occupé parce que je faisais que des bêtises. Quand je voyais une fleur, mon premier réflexe, c'était de la cueillir. Or, je connaissais pas les plantes de la jungle. Alors, il me tapait sur les doigts parce que la fleur était vénéneuse et pouvait me donner des boutons. Ou bien je portais à ma bouche un fruit qui était empoisonné, sans le savoir. Enfin, je faisais des conneries, quoi, comme d'habitude. Et puis, il était là pour m'aider, quoi. Vous étiez vraiment les aventuriers de la fraternité, comme vous dites? Oui, parce que nous ne sommes pas aperçus tout de suite de tout cela. Mais plus nous avancions, plus nous nous sentions liés par les tripes, quoi, vraiment à ce peuple... que nous le voulions ou non, nous nous étions engagés avec eux dans cette affaire. Et pour nous, ils étaient prêts à donner leur vie. Et ça, moi, j'ai découvert un jour où j'étais dans un village et puis il est arrivé des ennemis, mais c'était pas spécialement pour moi, c'est parce qu'ils venaient pour faire l'opération moisson. Et puis on m'a caché sous une jarre, dans un trou. Préparé à cet effet pour cacher quelqu'un d'important, puisqu'ils pensaient que notre travail d'information était important pour eux. Et je ne sais comment vous expliquer, j'étais dans cette fosse qui est à peu près comme un tombeau, quoi, plus étroit même. Et contre ma tête, c'était une fosse double, donc j'étais tête contre tête avec un jeune homme qui me servait d'interprète, un jeune de Saïgon. Et je me suis mise à étouffer parce que je ne pouvais respirer que par un bambou creux. Or, comme j'ai été tuberculeuse, j'ai peu de force. Enfin, je respire mal, quoi. Et puis la peur, on avait couru, tout ça. Alors, j'entendais du bruit au-dessus, des combats, des poteries brisées, des cris, bon, coups de feu. Moi, j'ai cru que ma dernière heure était venue et j'ai dit au mon petit copain, là, Nien n'était pas avec moi sur là, ce petit copain de Saigon, je lui dis, écoute, pardonne-moi, je sors parce que je préfère mourir dehors. Alors il me dit, si tu fais ça, moi je meurs aussi. Évidemment, parce qu'on nous a trouvés. Alors, un moment se passe encore et je lui dis, tu es armé? Moi, pas. Passe-moi ton revolver. parce que je voulais me tirer une balle dans la tête plutôt que de mourir à petit feu. Il m'a dit, fais pas l'idiote, t'as qu'à te calmer un peu, tu respires tout doucement, puis tu feras qu'on peut très bien. Bon, bah, je l'ai fait, puis après j'étais couverte de honte parce que par la suite l'histoire s'était répandue et puis il y avait un vieux monsieur qui était qui s'occupait des syndicats, je sais plus quel patelin, qui avait été resté dans cet abri pendant des mois et des mois pendant la période des mixtes. Il sortait seulement pour pisser, pour organiser la résistance. Alors j'ai été vraiment couverte de honte de m'être laissée aller, quoi. D'ailleurs, c'est... On n'avait pas le droit de se laisser aller, jamais. Si, bien sûr. Bien sûr que si. On pouvait se laisser aller. Justement, c'était ça qui était bon aussi. Mais je voulais me conduire dignement, quoi. Je me suis conduit dignement, je crois. Donc c'est bien, tout va bien. Binja, bah, écoutez, Binja, voilà, c'était, nous avons participé... Vous vous enrôlez dans l'armée? Non, on s'enrôle pas, enfin... Pour filmer, nous avons demandé à être enrôlés dans une unité de base. Et c'était une unité de groupe de trois, c'est tous des groupes de trois qui étaient dirigés par un jeune garçon d'élite qui s'appelait Larangno. Et ces jeunes paysans, dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient tous orphelins et qu'ils étaient nés, ils étaient passés de main en main dans les familles du Vietnam. Donc, pour eux, chaque maman, mère de soldat, j'ai souvent pensé d'ailleurs depuis que l'union des mères de soldats, c'est-à-dire des marraines de soldats, on dirait chez nous, n'avait pas d'autre fonction que celle d'aimer. J'ai vu ça dans aucune armée du monde. Alors, pour la seule et unique raison que nous étions là avec eux et partageant forcément avec eux le même riz et les mêmes bombes éventuellement, ils nous considéraient comme ils considéraient chaque personne des zones de ces villages libérés comme leur papa ou leur maman. Et à 40 ans, j'ai eu la stupeur de m'entendre appeler ma vieille tante respectable, ce qui est un terme vietnamien qui indique non pas l'âge, mais le respect plutôt que l'on donne à la personne. Et quant à Burchette, évidemment, avec ses cheveux gris et sa mâchoire édentée, il était l'oncle respectable de tous les paysans sud-vietnamiens, tous les jeunes enrôlés dans l'armée. Alors, on était très intéressés par la manière dont ils étudiaient à l'entraînement, avant une action. Parce que la bataille du Binja, pour vous faire court, a été la plus longue bataille, justement, qui a duré un mois. L'armée de libération a été capable de mener une bataille multiforme pendant un mois. et avec de grosses pertes pour l'armée américaine. Et ça sonnait d'ailleurs le glas de la guerre spéciale et le début de l'intervention plus directe américaine. Alors nous avons été témoins de cette bataille à l'état-major, ce qui était un grand privilège. Mais auparavant, nous avions eu l'occasion, justement, près des hameaux stratégiques à forte population catholique, de participer à l'entraînement de prise de poste ennemi qui était à l'intérieur des hameaux stratégiques avec nos garçons. Et nous avons vu, ils ont dit, ils faisaient avec devant nous ce qu'ils faisaient d'habitude. C'est-à-dire que, suivant le proverbe sud-vietnamien, un paysan, trois sauts font un sage. Ça pourrait s'appliquer à nous, puisqu'on est trois, là, en ce moment. Alors, trois sauts font un sage. Alors, il fallait, très démocratiquement, je n'ai jamais vu une armée démocratique comme ça. Bon, premièrement, la population donnait les renseignements. Nombre de pas, habitude de l'ennemi, etc. Enfin, bon. Deuxièmement, on faisait des maquettes des fortifications, des blocos, des maquettes réduites, quoi, en terre, mais aussi exactes que possible. Et nous avons filmé tout ça, c'est passé à Saint-Colonne à la Une, monté par Roger Pic en février 65, j'étais pas né. Bon. Et c'est dommage, enfin bon, mais j'ai le film, si vous voulez, je peux pas. Alors, on voyait avec un bâton, l'officier indiquait les points et il y avait toujours plusieurs manières de prendre un poste. Et les soldats levaient la main disant, moi je pense qu'il faudrait, d'autres disaient non, ce n'est pas bon pour telle raison. Et alors, ce qui nous étonnait aussi, enfin, c'était par exemple les M113, c'est des tanks amphibies qui ont une grande puissance de tir. Enfin, bon, on fait mieux depuis, bon. Mais c'est méchant, quoi. Hein. C'est gros, c'est méchant. Et quand ils venaient sur la route, nos gamins, pendant la bataille de Binja, oui, mais ils nous disaient, par exemple, les M113, ils ont cessé de nous faire peur, ces gros machins. Ce qu'il faut, c'est viser au bon endroit, c'est avoir assez de détermination pour se mettre sous l'angle de tir. Faut grimper dessus. Et là, on leur balance la grenade dedans. Est-ce que vous savez que les Viet Cong avaient leur armée de l'air? Non. Eh ben oui, eh ben voilà. C'était encore toujours les vieux, les femmes et les mômes, parce que les hommes, il n'y en avait pas. Et c'était vraiment la pauvreté absolue et la terreur absolue. Alors, ça vous donne des idées. Vous savez, dans ce pays, Vietnam Sud, il y a des frelons, des abeilles. On dit abeilles, moi je dirais plutôt frelons, qui sont gros comme mon pouce. Et si trois frelons, comme ça, piquent un buffle, il meurt. Alors, il y a un autre vieux dans un autre village où je suis allée, parce que moi, je suis allée loin. Perchat, il ne peut pas bouger, mais moi, je ne suis pas restée qu'à Tainin. J'étais à Long An, j'étais dans plein partout. Et il avait, dans la plaine des gens, tout ça. Alors, il avait eu cette idée de dresser ces abeilles-là. Alors, il avait pris les seins d'abeilles dans un nylon et il a mis à l'entrée du village. Et il tapait de loin en se mettant dans un fossé avec un système rudimentaire de ficelles et de bâtons. Il cognait le nid. Les abeilles, très fâchées, sortaient du nid. Elles tournaient un moment, puis ne voyaient personne et rentraient dans leur nid. Et puis, comme ça, il les dresse un bon moment, enfin bon. Et puis, au bout d'un certain temps, il sacrifie un petit cochon. Et il jette le petit cochon dehors, et puis il tape sur une main, et les abeilles, furieuses d'être encore une fois dérangées, se ruent sur le cochon et le tuent. Bon. Et à cause de ce dressage, alors imaginez le ratissage des soldats lourdement équipés avec leurs patogas, leurs armes, leurs mitrailleuses, tout leur système inutile et pesant et embarrassant en pleine jungle, qui arrivait d'un mess quelconque de Saïgon en hélicoptère ou autre, qui s'approchait du village. Alors le vieux, aussitôt, il lâchait ses abeilles. Ouais. qu'est-ce que vous voulez faire quand on est sain d'abeilles de combat? Les gens, ils me disaient, ils peuvent fusiller les gens, mais ils ne peuvent pas fusiller les abeilles. Mais les abeilles dérangeaient énormément l'unité, parce qu'elle allait piquer ces soldats qui cherchaient en vain à se protéger, se jetaient hors de la piste et tombaient dans les fosses à pic, dans le meilleur des cas, visaient, mais visaient mal, et finalement, s'en allaient. Alors, on m'a dit, même très savamment, que m'expliquer comme ça, vous comprenez, 8e cercle, vous compreniez, il y a des abeilles de plusieurs catégories. Alors, il y a les abeilles qui sortent seulement et qui piquent l'agresseur, puis aussitôt il revient. Mais il y en a d'autres qui vont plus loin. Et il y en a même qui poursuivent l'agresseur très loin, jusqu'à ce qu'il soit rentré dans son hélicoptère. Ça, c'est notre armée de l'air. Un jour, par exemple, on s'est trouvé dans un lieu, c'était un peu avant Benjias, il y a eu un moment où nous nous sommes trouvés en terrain totalement découvert, sous un bombardement d'hélicoptères. L'officier qui était là, qui était très embêté que nous soyons dans cette situation, parce qu'il avait pour mission de nous faciliter la tâche et nous permettre de la terminer. Il nous a dit avec une grande franchise, s'ils nous ont vus, il n'y a rien à faire. Là, ils sont trop nombreux. Adieu, camarade. Il nous a dit la vérité. Alors, Nier, qui était là, qui était un bon gros paysan, donc assez épais, un peu de votre corpulence, enfin, un peu bien en chair, quoi. Beau gars, quoi. Hein? On aura alors, tous les détails. Il me dit, écoute, quand les tirs viennent de la droite, tu te mets derrière ce rocher. Quand ils viennent de la gauche, tu te mets de l'autre. Enfin, c'est une chasse. Enfin, bon. Et puis, un moment particulièrement épineux, il me dit, n'aie pas peur, tu peux être blessé, mais pas tué. Parce que moi, je suis bien gros. Et je me jette sur toi. Et ben, je ne veux pas. Alors, le soir arrivé au cantonnement, après cette chaude alerte, où il y a eu quand même des morts, mais bon, nous étions saufs, quoi. Et nous étions à la maison, c'est-à-dire dans la jungle. J'avais appris à considérer que la jungle, c'était la maison. On rentrait le soir et on buvait des bons coups. Je dis à Burchette, tu sais, je suis très ennuyée parce que Nier a risqué sa vie pour moi et je n'ai pas pu l'empêcher de me couvrir de son corps. Et je ne veux pas qu'il soit tué pour moi, il a 6 enfants, tout ça. Alors Burchette me dit, mais que me dis-tu là? Mais moi, ils se sont mis à 3 sur moi pour me tenir et ils étaient à 3 et je me suis battue avec eux en disant, je ne veux pas que vous mouriez pour moi. Alors, le soir, il y a eu un petit débat, quoi. On nous a conviés chez l'officier, qui nous a dit que notre attitude n'est pas correcte, tout ça. Alors, Il a dit, mais non, mais vous ne devez pas avoir cette réaction, monsieur et madame, vous ne devez pas. Pour nous, nous avons pris la responsabilité, sur la demande de notre état-major, d'assurer votre mission de reportage pour les pays étrangers. Et pour nous, votre film d'information, c'est une munition. Et nous avons l'habitude d'agir ainsi, à tous les échelons, de protéger de notre corps celui qui est le plus utile pour la victoire de la patrie. C'est à chacun de savoir qui est le plus utile. Et vous avez mal réagi parce que vos gardes du corps se sont mis entre vous et la mort parce qu'ils estiment qu'il est très important pour notre lutte que vous puissiez rentrer vivant. Donc ensuite, nous avons demandé si nous pouvions suivre l'armée de libération pour connaître un peu cette armée qui était formée. Et alors nous sommes devenus soldats, entre guillemets, soldats sans fusil de l'unité La Rongno. Ils étaient les enfants de ceux qui avaient été déportés ou massacrés en 1954. Rien que dans notre compagnie, 93% avaient eu un parent proche exterminé dans sa famille, un parent proche. 11% étaient orphelins de mère, 12% étaient orphelins de père, depuis 1954. Donc, une fois je disais à un officier, mais enfin, ce qu'on appellerait salle de police chez nous, quoi. Il y a des sanctions quand ils sont trop indisciplinés. Il m'a dit non. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des sanctions? Si l'un de ces garçons a commis une erreur, une faute, il suffit que le soir on le lui dise. Il est trop peiné lui-même pour qu'on le punisse davantage. C'est pas la peine. Ils ont trop souffert déjà. C'est inutile. Ce sont les Américains qui ont formé notre régiment, disait-il toujours. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu Hai, celui qui devint votre fils? Oui, ça c'est... C'était là aussi, dans les maquis Viet Cong? Ben, c'était à l'armée, justement. Alors, pendant cette histoire d'entraînement, de bataille de Binjia, il y avait quand même des moments de paix où on se racontait sa vie, où Burchett sortait les photos de sa fille, tout ça. Il adorait sa fille, Burchett. Et il aimait bien Peter et l'autre, mais enfin, sa fille, c'était sa préférée. Et puis, moi, je sortais la photo de Fabienne, et puis, voilà. Puis on parlait. Puis un jour, Launio, pendant qu'on... Mais ils étaient toujours à rire, à plaisanter, tout ça. Alors, on s'était... ça fait jamais quand ils étaient sérieux, ces gamins. Et puis un jour, Launio me dit avec quelque solennité, les paysans sont volontiers solennels, un peu partout dans le monde. Il dit, il se lève pendant qu'on est en train de manger le riz, et debout, il dit, je m'adresse à la huitième sœur, en tant que chef de groupe, numéro tant. Vous êtes le matricule numéro tant. Parce que c'était vraiment comme des scouts. Enfin, c'était, ils nous avaient donné un numéro matricule. Ils nous avaient fait jurer de ne jamais l'oublier. Vous vous en souvenez? Non. J'ai honte, mais je ne m'en souviens plus. Burchett s'en était souvenu jusqu'à sa mort. Moi, non. Je l'ai oublié. J'ai tant oublié de choses. Et alors donc, il me dit, vous, matricule, bon, enfin, c'est un gamin qui avait 20 ans, mais bon. Je suis chargée de vous présenter une demande. Le soldat Mehai, ici présent, héros de notre unité, demande si vous voulez bien être sa mère. Mère de soldat, pour lui. Moi, je commence à rigoler. Je pas sa mère, mais il est trop grand, en fait, moi. Enfin, je sais pas, je comprenais pas que c'était sérieux. Puis il y avait l'officier qui passe et qui me dit en français, qui parle, parce que là, il parlait à travers traducteur. L'officier parlait français. Il me dit faites attention, madame. Ils sont très sérieux. Ne les blessez pas. Tout ce que vous faites sera rapporté pendant des années et peut-être des générations. Ne les blessez pas. Vous êtes la première étrangère qui vient nous voir de si loin. Ils sont sincères, eux. Ils ne jouent pas. Moi, je dis, mais je serais très, très, tout à fait honorée d'avoir pour fils un garçon comme celui-là. J'aurai deux enfants, Fabienne et Hai, et je serai sa mère de soldat pour toujours, je l'accepte. Alors, toutes les unités présentes applaudissent. On ne pouvait pas, à cause de l'ennemi, faire beaucoup de bruit. Alors, ils applaudissaient, mais sans faire de bruit. Enfin, en faisant comme je fais maintenant, c'est-à-dire tapant les mains sans faire de bruit. Et puis Aïe est venu pour m'embrasser, très ému. Et de ce moment, ma vie a changé. Il ne parlait pas un mot de français. Moi, je parlais un vietnamien plus que sommaire. Dans le clos, vous disiez qu'il était honteux? Oui, il m'a dit ça plus tard. Ouais. Il paraît que j'ai une bonne oreille. Il paraît que je parle juste. Mais tout de même, quand j'ai entendu quelques-uns de mes... Je préfère ne pas employer la langue vietnamienne, sauf avec les enfants. Avec les enfants, ça va, mais avec les personnes de mon âge, je ne m'y risque pas. D'abord parce que je connais peu de mots et j'ai vu combien il était ridicule de dire « mon âme » au lieu de « mon âme » ou l'inverse. L'un voulant dire « 20 000 ans de bonheur » et l'autre « allez vous coucher », pour ne pas parler d'autres choses vraiment scatologiques et absolument impassables à l'antenne. Quand on dit « je vous salue, mon vénérable vieillard », on peut lui dire des choses tout à fait incongrues. D'aller se faire voir ailleurs, par exemple. Bien pire que ça. Et je connais une journaliste qui a fait la gaffe. Alors, je ne veux pas la refaire parce que moi-même, je n'ai pas très bien compris la nuance. J'ai honte de parler si mal vietnamien. Mais enfin, Hai, c'était pas n'importe quel garçon. C'était un garçon qui avait été blessé à la tête et qu'on avait laissé pour mort dans une précédente bataille 2 ans auparavant dans un hameau stratégique. Il avait une balle qui lui avait traversé la tête, quoi, sans causer de lésions mortelles. Il avait été resté en coma très longtemps. Enfin c'était un blessé du crâne. C'était un garçon très introverti, très sensible, qui était le dernier né d'une famille décimée complètement par la répression, qui gardait tout dans son cœur et parlait rarement. Et il m'avait regardé. Et je me suis aperçue dans les faits, très rapidement, que s'il m'avait demandé d'être sa mère, ce n'était pas pour recevoir quelque chose de moi, mais c'était pour donner. Parce que, étant sa mère, d'après lui, j'étais une femme loin de son pays, loin de sa famille, donc, pour lui, malheureuse, qui se dévouait pour la cause du peuple vietnamien, donc une amie. Mais il croyait que j'étais malheureuse. J'étais pas malheureuse du tout, moi. Mais lui pensait que j'étais malheureuse. Et il pensait aussi que j'avais besoin d'une aide. Alors, ils ne pouvaient pas m'accorder cette aide de façon privilégiée dans la vie normale de l'unité. Alors que, étant mon fils, il avait tous les droits et les devoirs du fils. C'est-à-dire que le soir, il m'installait mon hamac, alors que moi, je mettais toujours de travers et je tombais trois fois la nuit. Bon, lui, cette fois-ci, il me mettait un hamac dans le grand, comme il faut, et je ne tombais plus la nuit. Et puis, il m'apportait du thé dans mon lit, enfin dans mon hamac, comme il aurait fait à sa vieille mère, en tenant le bol à deux mains, ce qui est un signe de respect. Et puis, quand il y avait des bombardements, des mitrailles, du mitraillage quelconque, il se plaçait à l'entrée de l'abri, entre la mort et moi, de préférence. Et dès qu'il y avait la moindre alerte, il se jetait sur moi pour me mettre à l'abri. C'était ça, aïe. C'était... Et un jour, c'est la seule remarque de désapprobation, quoi. De l'officier, c'est, il m'a dit un jour qu'il était passé par là, par la bataille de Binja, il me dit « Madame, vous avez un fils maintenant. Pourquoi vous ne l'embrassez jamais ?» Je dis, écoutez, je ne vais pas embrasser un grand garçon comme ça, moi je ne sais pas, je suis gênée. Mais si, ils attendent tous que vous l'embrassiez, comme à la maison. Il faut, le soir, quand il vous met le hamac, vous devez l'embrasser, voyons. D'accord. Alors, de ce jour, j'ai embrassé mon fils. Et naturellement, ça a fait une engueulade avec Burchett, parce que Burchett, ce vieux salaud, un bon journaliste australien qu'il était, qui picolait un brin et qui était... qui aimait bien les filles, quoi. Alors il me dit, ah, ton fils, dis donc, c'est le complexe d'Œdipe avec ton fils. Il dit, tu ne fais pas rigoler, hein, ton fils, il a envie de s'approcher de toi, quoi, c'est ça. Moi, je lui ai dit, non, au scandale, quoi, tu vois bien la pureté de ses sentiments. Enfin, là-dessus, on n'a jamais eu d'éclaircissement. Burchett a persisté à penser que Aïe avait quelque... Velléité. Amour, oh, velléité, comment voulez-vous faire quelque chose quand vous avez à deux pas de vous des hamacs pleins de soldats, de toute façon. On m'a d'ailleurs... Ah, tiens, je vais faire comme De Gaulle. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je crois que vous m'avez posé la question. De Gaulle, dans ses conférences de presse, avait l'habitude de dire... je pense qu'on m'a posé là-bas telle question, qu'on ne m'avait absolument pas posée, il répondait. Alors, vous m'avez posé la question, comment vous, qui êtes une femme, avez-vous pu vivre aussi longtemps au milieu de soldats je vous la pose, parce qu'on m'a posé cette question très souvent à mon retour, parce qu'à mon retour, j'ai fait un bouquin qui était traduit en 9 langues. J'ai été la pin-up girl des légionnaires d'Aubagne. J'ai été au tribunal de Bertrand Russell et j'ai fait d'innombrables meetings. Et souvent, les gens me disaient ça. Mais comment vous avez fait, etc. Mais rien n'est plus simple, parce que dans l'armée de libération, toujours, tout est bien fait. Tout est prévu et tout est fait comme il faut. C'est-à-dire que je disposais le soir, après le combat, disons, quand le travail était terminé, d'une salle de bain personnelle dans la jungle qui était faite par mon fils et les autres. Il suffisait d'installer entre quatre arbres, quoi, une cabine faite simplement d'une pièce de nylon opaque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait comme une cabine de bain. On n'y voit rien. Alors, j'avais le grand privilège, alors que Burchett avait de l'eau froide, l'eau et le savon ne manquant jamais au maquis, moi, on me faisait chauffer de l'eau dans une marmite bien fou, et on m'apportait de l'eau chaude avec un quart de soldat et pour m'arroser. Et je prenais ainsi une douche pour enlever toutes les bébêtes et toutes les sangsues, parce qu'il faut dire que les sangsues... Alors ça, c'était un grand sujet de plaisanterie, parce que j'avais toujours des sangsues qui me tombaient dans le cou, enfin comme tout le monde d'ailleurs. Et puis, moi, j'étais particulièrement piquée par les sangsues. Alors, j'avais appris, comme tous les bons légionnaires, avec une cigarette, à lui brûler le bout à la sangsue pour qu'elle se détache. Mais enfin, j'étais particulièrement... Alors, il disait, « Ah, c'est pas étonnant, c'est parce que ton sang est sucré. » Parce que la sangsue, elle en a marre de manger toujours du sang vietnamien. Alors, Burchett et toi, c'est une nourriture exotique. Alors voilà, je pouvais me laver tous les soirs comme ça. Pourquoi dites-vous, Madame Riffaut, que depuis ce jour-là, votre vie a changé, depuis que Morail est rentré dans votre vie? Ben, que dire, j'avais eu une maternité difficile, mais de toute façon, ça s'était réglé maintenant, puisque Fabienne et moi, nous étions des amis depuis longtemps, peut-être plus amis que mère et fille, parce que on s'était rencontrés tard. Mais enfin, le fils que je n'avais pas eu, oui, enfin, il y a des gens qui recherchent leur père, qui font la quête du père, qui font la quête du fils, enfin... En tout cas, ce jeune homme, c'est vrai, a marqué le... Bon, il ne m'a pas marqué un tournant dans ma vie, c'est pas ça. Mais enfin, il a été parmi les grandes aventures humaines, enfin, parmi de mon séjour au Vietnam du Sud, c'est certain. 40 ans dans les maquis Viet Cong et un fils. Oui, mais... Et un film et un livre. Oui, quand nous sommes partis, le régiment faisait mouvement pour aller vers un autre lieu et nous devions leur faire des adieux parce que nous, notre travail était terminé et nous devions repasser les lignes. Et nous voulions faire un adieu particulier à nos garçons, au groupe Lorgnon, mais l'officier n'a pas accepté. Il a dit non, ils ont eu trop de séparation, trop de douleur dans leur vie. Ils vont combattre demain. Et si vous leur dites adieu, ils seront trop malheureux. Alors, vous allez faire des adieux en général au régiment, puisque nous nous rassemblons, comme avant toute grande bataille. Vous pourrez dire quelques mots, si vous voulez. Dire merci à Dieu, enfin, ce que vous avez envie de dire. Mais nous dirons plus tard à votre groupe, là, que vous avez été appelé en mission ailleurs. Ça, ils peuvent très bien le comprendre et ne faites pas d'adieu particulier. Alors, en effet, ça s'est passé comme ça. Il y avait sous les nappes de bombardiers aveugles, quoi, qui survolaient la jungle, à ce moment-là, impénétrable. Et il y avait des milliers de petites lumières qui étaient allumées. Chaque petite lumière éclairait un visage coiffé du casque de la tanière et qui ressemblait chacun à Aïe ou à Lien ou à Oignet. Et nous étions là devant avec un pupitre de bambou, avec Burchette, et nous avons dit adieu par le canal de Radio Libération, ça, qui émettait, surtout, nous avons souhaité, comme chez les paysans, bonne santé, bonne chance, à bientôt, enfin, des choses aussi bêtes que ça. Merci pour l'aide que nous avions trouvée. Et moi, j'ai dit, chaque photo, chaque poème, chaque ligne de mes livres, chaque fois que je projetterai le film, ça sera comme si je jetais une balle dans la gueule des agresseurs. Et ce sont mes munitions à moi. Et c'est ce que j'ai fait. 1965. Et les bombardements ont commencé sur le nord. Quan nhân dân trời dậy nhớ quê hương, nhân dân ta dậy.